Tortoni et Arbatax tous les mercredis de 18h à 19h sur Radio Panique. Salut, c'est Tortoli, tu vas bien? Ça va, Arbatax, tranquille, tranquille au mic. Vous êtes sur Radio Panique, il est 17h, c'est Tortoli Arbatax. Et voilà, changement d'horaire, on est passé du mardi 17 à 18h, donc voilà, le jingle était un peu faussé, erroné. Voilà, Guillemette qui ne s'est pas mis à l'heure, qui ne s'est pas réactualisé. Mais c'est reparti, de toute façon, c'est reparti pour une heure de bon son. Une heure de son, on aura pas mal d'électro, du son actuel. On va tout de suite démarrer avec notre générique classique et puis on finira aussi avec le classique, pardon. Notre classique classique. Voilà, un générique bien pourri et un classique... cultissime. Mais c'est un générique un peu triste cette semaine, mon petit Arbatax. Ce sera Colette Renard qui nous a quitté la semaine dernière. Et on va envoyer son... Big Tune, sa Big Tune, Les Nuits d'une Demoiselle. Et on se retrouvera juste après ça pour du son. D'être demoiselle, car le soir dans mon petit lit, quand l'étoile Vénus s'étincelle, quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais m'amourer le bibelot, je me fais sabrer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement. Ta ta ta ta ta oh. Tortoli Arbatax. Yes, Tortoli Arbatax de retour. C'est le mardi 18h. Non, c'est le mardi 17h. 17h, on a du mal. Je me suis mis au rythme de Guillemette, je suis un peu à la bourre. C'est Radio Panique, là, il nous balance de jour en jour, d'heure voilà, en heure. Voilà. Donc retenez bien, amis auditeurs, amis fans pour Arbatax. Amis IES. Amis IES, bien sûr. C'est le mardi de 17h à 18h que vous nous retrouvez maintenant, et ce, toutes les... semaine. Voilà, on a voulu faire un petit big up en début d'émission à Colette Renard qui, je ne sais pas si vous le savez, cher auditeur, qui nous a quitté la semaine dernière. Donc voilà, un petit peu l'étendue de son talent. Voilà, les nuits d'une demoiselle qui se fait briquer un peu le chinois, qui se fait remplir le vestibule, voilà, qui se fait gonfler la mouflette. Très bien. On serait sur, des très bonnes expressions pour notre chronique clash d'expressions. Ouais, pour notre chronique expression de la semaine qui va revenir d'ici quelques morceaux. On va vous en reparler. Il y aura forcément le résultat de la semaine dernière où je pense qu'il y a une... Il y a une large victoire. On va dire qu'il y a une branlée. Il y a eu des lucarnes. Il y a une branlée, c'est vrai. Il y a eu des lucarnes, mais on va pas vous dire dans quel sens. Mais voyez mon sourire. Ah mon salaud. Bon, et le but de l'émission, c'est quand même de se mettre un peu de son. Donc, qu'est-ce que vous diriez de commencer avec Lilywood and the Prick, un petit morceau tranquille qui s'appelle Hey It's Okay. Bah, et si puis... tu me vois, je dis oui. Je t'inclus dans les auditeurs. Très bien. Et voilà, qui sera probablement suivi, si Tortoli, tu le veux bien, par Nerd. Un morceau qui s'appelle Hypnotize You, qui a été produit par Daft Punk. Ça commence tranquillement et on se retrouvera correct. Après ça. Correct, correct. Donc Lilywood and the Pricks, Hey, it's okay. Yes, I. Radio Panic. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. I like you. You're so special. Just Hey, de retour Tortoli et Herbatax. L'émission à deux voix, l'émission à deux têtes, mais l'émission à un cerveau. On a quatre mains, mais on a qu'un cerveau. À quatre mains, mais un cerveau. Ouais. C'est tout ça. En termes d'anatomie, on pourra en rajouter. Tu vois ce que je veux dire. Allez, tiens, ça va nous lancer sur. Dis-moi, attends, juste dis-moi ce qu'on a écouté avant là. C'était fou. Fou, tellement fou. E-R-D. Ah, nerd. Nerd. Ah, nerd. Hypnotize You, ouais. Bien tranquille, hein, bien tranquillement. Ouais, et qui est un titre en fait qui est sorti la semaine dernière. Donc, Tortoli Herbatax en mode exclu. Une info qui vient de tomber. Voilà. Et hey, de retour. Tortoli et Herbatax. L'émission à deux voix, l'émission à deux têtes, mais l'émission à un cerveau. On a quatre mains, mais on a qu'un cerveau. À quatre mains, mais un cerveau. C'est ouais. Tout. C'est tout ça. En termes d'anatomie, on pourra en rajouter. Tu vois ce que je veux dire. Allez, tiens, ça va nous lancer sur. Dis-moi, attends, juste dis-moi ce qu'on a écouté avant là. C'était fou, fou, tellement fou. N-E-R-D. Ah, nerd. Nerd. Ah, nerd. Nerd. Hypnotize You, ouais. Bien tranquille, hein, bien tranquillement. Ouais, et qui est un titre en fait qui est sorti la semaine dernière. Donc, Tortoli Herbatax en mode exclu. Une info qui vient de tomber. Voilà, et c'est Hypnotize You, donc produit par Daft Punk. Et ouais, Daft Punk de retour. Toujours là, toujours présent. Toujours là. In a deep place. Et en fait, ça annonce un futur album de Nerd qui sera en partie produit par Daft Punk et ça risque d'être bien fat. Et c'est dans les. Ouh, oui, tu peux renifler. C'est dans les mois à venir. Why. On va forcément vous en reparler. Les papes de l'électro à la French. Daft Punk. Et juste avant, Nerd, c'était Lilywood and the Pricks. Hey, it's okay. C'est okay. C'est okay. C'est okay. C'est okay. Dis-moi, on reviendrait peut-être sur quelque chose qui me fâche un peu, mais peut-être sur notre chronique de clash d'expression de la semaine. Vous le savez que la semaine dernière, on a lancé une nouvelle chronique. Tortoli défend une expression. Herbatax défend une expression aussi. Une expression sortie tout droit des bas-fonds du week-end. La semaine dernière, on était sur. Tortoli défendait l'expression en mode. Mode. Ou à base de base. Enfin, le but étant de répéter quelque chose qui ne veut rien dire. Ouais, voilà. Moi, c'était en mode mode. À base de voilà. Base que tu peux aussi décliner en termes de termes. Et bah, toi, pour rappeler, c'était. C'était à gogo. C'était à gogo. Une expression assez peu utilisée, quoique connue, mais peu utilisée. Je voulais la remettre au goût du jour. Les résultats sont tombés. On arrête le compteur. Et qui c'est qui a gagné? Bah, c'est en mode mode. Première voilà. Victoire éclatante. Voilà. On vous donne pas les scores parce que bon, il y en a qui risqueraient de se sentir mal. Ça s'est joué à peu de choses. Ça s'est joué à peu de choses, c'est ce que je peux vous dire. En tout cas, merci à ceux qui ont voté à gogo. Je sais que vous êtes des vrais, que vous savez où sont les vraies expressions. Je tiens à dire. En mode mode, ça veut rien dire. Enfin, je veux pas revenir là-dessus. Je garde le sourire, mais bon. Voilà. En mode mode. Le public a parlé. Tu sais très bien qu'on peut pas discuter. C'est la voix du public. Simplement, je confirme. Ouais, effectivement, ça a été serré. Ça a été serré. Les 10 premières minutes après l'émission. Ensuite, je me suis détaché. En smith. Mais bon, bref. En tout cas, merci à ceux qui ont lâché un petit commentaire sur Facebook, qui ont donné leur voix pour Tortoli et Herbatax. Donc cette semaine en mode mode. Expression de la semaine. En mode mode. Je te propose un petit jingle. Ah vas-y. C'est une nouvelle chronique. C'est l'expression de la semaine. Bien ou bien tranquille. Ça y est. Et voilà, toujours. C'est histoire de te familiariser un peu avec cette nouvelle chronique. Expression de la semaine. Ouais. Chiffrer les lettres. Je fais quelques étirements. Je propose de te proposer. Proposer. Ah, je commence. Ta première expression. Merci. Cette semaine. Qu'est-ce qu'on a à manger cette semaine? Cette semaine, Herbatax défendra l'expression en cruc et cruc. Wow. Oui, mesdames et messieurs, en cruc et cruc. Je sais que certains d'entre vous la connaissent, puisqu'elle n'est d'ailleurs pas de moi, mais je l'ai déjà largement utilisée. Et ne vous inquiétez pas, j'ai le copyright, quoi. J'ai l'aval des fondateurs de cette expression. Donc, je la fais mienne pour cette semaine en cruc et cruc. Si on peut avoir une petite définition. Bravo. En cruc et cruc, ça peut aller ça peut être physiquement, on va dire un lendemain de fête par exemple, un lendemain de cuite, on est en cruc et cruc. Ça peut aussi être par mon vélo. Là, je suis venu en vélo, mon vélo est en cruc et cruc. C'est-à-dire qu'il roule mal. Et j'ai aussi un collègue à la radio qui est en cruc et cruc. Il est où? En cruc et cruc. Très bien, et je n'ai qu'un mot. Vas-y, je me mets dans le coin du ring, vas-y, envoie. Envoie un peu ton expression de la semaine. Déjà je voulais t'applaudir, bon ça je le ferai pas, parce que j'en garde tout. Tout. J'en garde tout. Gardez. Tous ces applauds, je les garde pour Wham. Voilà moi, mon expression de la semaine. Tain. c'est mettre une bifle. Mettre une bifle. Oui, bifle, bifle. Je t'ai biflé, je te mets une bifle. Bifle, la contraction du mot bip et du mot baf. D'accord. Voilà, l'objet, enfin l'objet sexuel, oui. D'accord. C'est une petite réprimande en fait, quoi. Voilà, la bite, la partie génitale de l'homme contractée avec une baffe. Je te mets une baffe et voilà. La tienne est déjà contractée. Hein, je te laisse un petit peu imaginer quelle sorte de baffe je pourrais te mettre. Est-ce que ça doit, ça doit se claquer à un endroit précis ou on peut claquer souvent, un peu partout? C'est souvent usé, pas usagé, usé sur la joue. Sur la joue. Ou un peu plus bas, sur les fessiers. Sur les fesseps. Sur les rondeurs. D'accord. Voilà, derrière. D'accord. Donc voilà, il peut y avoir des bifles plus ou moins violentes. Ça se décline un peu. Et tu peux aussi utiliser ce terme, une grosse bifle, pour caractériser un concert, une chanson. Ah ouais, on a pris une grosse. Ils nous ont mis une grosse bifle. Là, on a mis une grosse bifle. Ok. Là, on a pris une grosse bifle. Par exemple, cette émission, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est en train de mettre des grosses bifles à nos auditeurs. Sur la FM. On est bien violent, mais ça peut rester quand même très. Concordial, ça se dit pas. Concordial. D'accord, mais garde ce mot pour la semaine prochaine, peut-être. Concordial. Cordial. Un mélange contracté entre cordial et. En fait, je te regardais, je pensais à un con et je pensais à cordial. Donc, voilà. Concordial. Un concordial. Voilà. La place de la concordial. Ouais. Voilà. Très bien, et ben c'est lancé. À vous, à vos claviers, chers auditeurs. Dites-nous ce que vous en pensez. En cruc and cruc ou. La bifle. N'hésitez pas à voter. Que je prenne une légère avance, tu vois, un petit. Mais alors que moi, je ne joue que sur une expression orale. Toi, tu carrément, tu. C'est non seulement une expression, mais aussi un geste physiologique, quoi. Qui se décline dans l'espace, quoi. Exactement. Très bien. Allez, merci, merci à toi. Ouais. On repasse. Merci, mais de rien. Oui, je te dis merci. Attends, mais j'ai pas encore gagné. Je te le dis pas assez j'ai souvent. J'ai pas encore gagné. Merci. Garde tes applaudissements et tout ce qui va avec pour après. Mais juste là, on va pouvoir se mettre Breakbot. Avec Baby I'm Yours. Voilà. Tu l'entends? Un petit peu funky. Breakbot, ils nous viennent de Paris. Nouvelle découverte. Dans la scène électro-française. Yes, sur le label Headbanger, là c'est un featuring avec Irfan, Breadbock. Ils seront à la soirée plastique ce week-end. Understand that your wish is my command. What can I do to make? yeah, we back. Oh, and Zaphone, by the way. Yeah, Jones. Yeah. Chitty Bang, and we pretty much amazing. Can we hear your new song, please? I got you. Hey, yo, I once was a kid. All I had was a dream. More money, more problems. When I get it, I'ma pile it up. Now I'm dope on the bread. We can toast so fresh. How we flow, everybody get this down from us. Hey, yo, I once was a kid with the other little kids. Now I'm ripping up shows and them fans going wild with us. Tell mommy I'm sorry. This life is a party. Remember you was a kid. Reminisce days of the innocence. Now it's Chitty Bang. Google me the images. Follow me, follow me. I'm the leader. And when I park cars, I don't pay for the meter. I remember I was younger as a kid. It was the best. I used to touch on all the pretty girls in recess. I'm at my peak, yes. I won't leave yet. Cereal style, cereal aisle. I need checks. I can make these rappers run like a hard drill. Rock band, show you how the guitar feel. And I could care less how y'all feel. I got a flow to make a bitch do a cartwheel. Just pump it and relax, bro. And you could get it free, don't worry about the tax, though. And Zaphone, thank you for the crack. But I play it Ron Burgundy, I anchor on the track. Hey, yo, like I once was a kid, all I had was a dream. More money, more problems, when I get it, I'ma pile it up. Now I'm dope, want the bread, we can toast so fresh. How we flow, everybody get this down from us. I once was a kid with the other little kids. Now I'm ripping up shows and them fans going wild with us. Tell mommy I'm sorry. This life is a party. I'm never growing up. Can I please get a little bit of knowledge? Somebody tell Roth that I don't love college. Cause the real world's kinda like real world. And it's drama, so you are Svetlana. And I'm just a rhymer. Swimming in the water, trying to dodge the piranha and fly to Bahamas. Pretty little mama, chitty in the spot. Where you at, Perlita? Show me what you got. They say, why you rapping for the kids for? I say my clothes come fitted, the lint store. This summer you could catch me on a big tour. I'm high grade, I think they need to quiz more. And let me get with you, don't let the kid hit you. I'm the photo album Valletta has, big picture. The rule is, the dude is, so up, so Chuck, I'm a cool kid. Hey, yo, I once was a kid, all I had was a dream. More money, more problems, when I get it, I'ma pile it up. Now I'm dope, want the bread, we can toast so fresh. How we flow, everybody get this down from us. Hey, yo, I once was a kid with the other little kids. Now I'm ripping up shows and the fans going wild with us. Tell mommy I'm sorry, this life is a party. I'm never growing up. I once was a kid, all I had was a dream. More money, more problems, when I get it, I'ma pile it up. Now I'm dope, want the bread, we can toast so fresh. How we flow, everybody get this down from us. C'est Tortoli et Arbatax. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. Et hey, de retour. Ça va-t-il, mon petit Arbatax? Toujours. À l'aise. À l'aise, à l'aise. Et bah, juste avant, c'était un petit Chitty Bang. Alors, Chitty Bang, un duo qui fait très mal, hein. Enfin, qui me retourne un petit peu la cervelle depuis quelques jours. Hein. Qui t'a mis une bifle, quoi. Qui m'a mis, voilà, mais mais c'est bien, merci. Bah, je mets un peu d'eau. Voilà. C'est très sympathique de ta part. Je mets un peu d'eau à ton moulin. Et... C'est ouais, dans ma bière, bâtard. Et voilà, non, c'est bien. Une Chitty bonne bifle, Chitty Bang, deux mecs. Qui s'appelle le titre Opposite of Adult. Et en fait, on entend au début, c'est le sample de. De Kids, semble, de Kids, ouais, MGMT. De MGMT Management, ouais. D'où Opposite of Adults. Voilà, comme nous. Voilà. Va falloir que tu retournes à tes cours de PFC d'anglais. Ah, pardon. Mon petit Tortoli. Pardon. Hein? Oh là là, le team balance. Non, mais apparemment, ta prof m'a appelé sur le fixe la semaine dernière. Tu n'es pas très assidu. Elle était rouge. Rouge sang. Rouge sang. Mais ça, c'est autre chose. T'as du bol qu'elle peut pas te mettre de bifle. C'est trop d'honneur là ce que tu fais. J'enchaîne. Moi je me souviens même plus de ton expression là. C'était quoi ton expression? T'inquiète pas. Ah, en cruc. Quand les résultats vont tomber la semaine prochaine, tu seras en cruc and cruc. Oui, bah toi t'as l'air déjà un petit peu palo. T'inquiète pas. Bon, on arrive à la mi-émission. Si tu veux bien envoyer la chronique classique de la mi-émission. Exact, c'est l'heure de l'agenda Q normalement. Alors attention. C'est parti. L'agenda Q, l'agenda Turel, l'agenda culturel. Oh, comme c'est beau. Ça prend du galon, hein. J'avoue que... Et là, on commence à atteindre un certain... J'avoue qu'à la RTBF, ça commence à. Ouh, ils ont un peu la chocotte, quoi. J'en ai revu ressortir de la RTBF, il avait le pantalon mouillé. Ah, j'en ai vu un ressortir de chez le psy, quoi. Il ressortait du psy. Voilà. Moi, j'en ai vu un ressortir du brico, il a acheté une corde. Oui. Mais ouais. Bon, allez, l'agenda Q, qu'est-ce qui se passe? C'est le tien, c'est ton agenda Q. Ça marche. Je commence. Qu'est-ce qui se passe sur Bruxelles cette semaine et ce week-end? Moi, ça va être mono-culturel. Mono-événementiel. Je propose que Guillemette nous aide un peu là-dessus. Guillemette, si tu veux bien, effectivement, nous envoyer un peu d'aide, effectivement. Les questions. Vas-y. Qu'est-ce qu'on fait ce soir, Guillemette? Mardi soir, tu m'excuseras, mais je n'ai rien, puisque ce soir, c'est Tartiflette. Ce soir, c'est Tartiflette, donc... si, pour ceux qui veulent, il y a France-Luxembourg ce soir. Très bien. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait demain? Demain, Guillemette, je n'ai rien du tout, donc va falloir encore patienter un petit peu. Guillemette a oublié de poser une question pour après-demain, soit jeudi. Donc elle va redire demain. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait demain? Tu vois, faut un peu être gentil avec après-demain. Alors, Guillemette, jeudi 14 octobre, commence le cycle Urban Stories au Centre culturel Jacques Franck, chaussée de Waterloo à Saint-Gilles. Yeah, le cycle Urban Stories, ce sera pendant 3 jours un cycle qui mêle le cinéma et le hip-hop. À partir de jeudi 18h30, il y aura la diffusion d'un film canadien de 2004 qui s'appelle Musique Rebelle Americas. C'est en fait un film qui suit 4 groupes d'artistes d'Amérique du Sud et non pas d'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud quoi, l'Amérique latino, ou l'Amérique populaire, l'Amérique engagée quoi. Oh là là, quoi, le bail, comment il balance. Allez, donc un film qui nous fait voyager entre la Colombie, le Brésil, la frontière mexicano-américaine et voilà, tout en se servant du prétexte de suivre 4 groupes musicaux et j'imagine aux influences hip-hop, et ce qui nous permet d'avoir un regard sur la situation en Amérique latine. Donc ça, c'est un documentaire. Actuellement, voilà, bah c'est un film, ouais, j'ai probablement docu-en. Le même jeudi à 20h30 suivra le film Bomb the System, un film américain de 2002. C'est une fiction, mais c'est le deuxième film référence sur la culture du graff après le fameux Wild Style de 82. Donc ce Bomb the System qui est une fiction, donc je sais pas comment ils ont fait ça, mais tous les artistes de la scène hip-hop new-yorkaise participent à ce film. Ça s'appelle Bomb the System, c'est jeudi à 20h30 au Centre culturel Jacques Franck. La BO de ce film est signée LP. Ah ouais, oula. Donc il y a du lourd. Ça nous donne elle nous donne envie, ta petite. J'ai oublié de signaler que tarif réduit, ça commence à 1,50€, 2€ et grand maximum tarif plein 4€. Voilà, donc c'est l'occasion d'aller se faire des bons petits films underground pas cher. Nickel. Donc Guillemette, ça c'est pour le vendredi. Voilà, Guillemette pour jeudi, c'est fini. Donc Guillemette. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait vendredi? Vendredi toujours. Le week-end. Tu l'as coupé, je crois qu'il va être vénère, il va recommencer. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait vendredi pour commencer bien le week-end? Mais oui, Guillemette, mais pour commencer bien le week-end, on reste sur la même thématique. Urban Stories au Centre culturel Jacques Franck. Le vendredi, il nous propose à 20h un film français de 2008 qui s'appelle The Last Poets Made in America. C'est un film politique, un film musical et transgénérationnel sur les années Black Power, les pères du rap, du slam, du spoken word, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un réalisateur français qui est allé réunir tous ces gars-là pour faire un film. Faire un gala. Je sais pas, je m'avance peut-être, mais peut-être qu'il y a Saul Williams, peut-être qu'il y a comment ça s'appelle-t-il, Jill Scott Heron, peut-être. Dans les slammers. Ouais, spoken word. Vraisemblablement. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. J'ai envie d'acquiescer. Voilà, donc ce sera vendredi à 20h, toujours au Centre culturel Jacques Franck. Vendredi, 21h30, suivra un film qui s'appelle Wesh Wesh, qu'est-ce qui se passe? Ah, bravo! Wesh Wesh, qu'est-ce qui se passe? C'est un film français de 2000, donc il y a déjà 10 ans, qui raconte le retour de Kamel dans sa cité, la cité des Bosquets. Cité connue de Seine-Saint-Denis à Montfermeil. Il revient dans sa cité après 2 ans de prison, il tente de se réinsérer, mais tout au long du film il assistera impuissant à la fracture sociale de son quartier. Voilà, film français Wesh Wesh, qu'est-ce qui se passe à 21h30 vendredi, pareil, toujours les mêmes tarifs, 4€ grand maximum. Voilà. Ok, merci. Et Guillemette a encore des questions. Vas-y, Guillemette. Et les gâtés qu'on fait samedi, en mode Saturday Night Fever. Bon, samedi, je sais qu'il y a pas mal de choses qui se passent, Tortoli va vous en parler, mais pour finir sur le cycle Urban Stories, dernière soirée du lourd. J'espère qu'ils vont te donner des entrées hein, pour avoir fait leur pub comme ça. Pas mal, hein. Non mais attends, ça envoie du lourd, ça s'appelle Nos Voix pour la Palestine, c'est un documentaire tourné à la demande de l'association Génération Palestine, et en fait c'était tourné par Court Rajmé, ni plus ni moins, rien que ça. Ok, le collectif parisien Court Rajmé. Court Rajmé qui nous avait fait la Barbichette, les Wanted Brothers. Et qui a signé Shaitan aussi. Shaitan, tout à fait, ouais. Voilà, ouais, tout à fait, ouais. Yes. Donc, Court Rajmé. Ce samedi. Voilà, ce samedi. Donc, il a réalisé le documentaire Nos Voix pour la Palestine. En fait, ils ont suivi des tournées d'artistes, dont Kalash, La Caution, 113, Kerry James, en Palestine. Et en fait, voilà, en les suivant, ça permet d'avoir un regard sur la Palestine. À noter que l'association Génération Palestine sera là aussi samedi soir et. Court Rajmé aussi. Le collectif Court Rajmé sera là. Oh, pas mal, pas et mal. Après la docu, après la diffusion du documentaire, à 22h30 suivra une soirée en fait qui s'appelle Fat and Da Party. À partir de 22h30 avec Code Rouge, Gaza Team et CNN 199. Donc une soirée sous le signe du rap. Ouais, nickel, mais voilà. Rap français, beaucoup. Voilà. Okay. Et ça, tout ça, c'est pour pas cher quoi. Donc de jeudi à samedi. Allez vous rendre au Centre Culturel Jacques Franck, Chaussée de Waterloo, à Saint-Gilles. Merci. Yes, nickel. Mais attends, le week-end n'est peut-être pas fini. Peut-être que notre ami Guigmette a encore des questions allez. Forcément existentielles. Suspense. Et les gars, à partir du dimanche et la semaine après, il y a des trucs. Que dalle, Guigmette, il y a que dalle. Que dalle pour moi. Que dalle, Guigmette, ouais. Tu calmes. Je voilà. Dépose les armes. Pour moi, c'est fini. Ce qu'on pourrait se faire, merci, c'est merci se beaucoup. Balancer un petit morceau avant que Tortoli vienne nous présenter les soirées qu'il a trouvées. Donc, on va s'écouter, si je ne me trompe pas, T.I. Exact, on ne te trompe pas, T.I. qui est issu de l'écurie Tintin. Ninja Tune. Ouais, c'est parti, on écoute, ça s'appelle ouais. Aha. Aha. T.I. de Ninja Tune sur Radio Panique. Brown. I guess you are that higgledy piggle rap, huh? Pig in the middle rap. Take me away from the melee, feeling like my left toe's equal to Pele. Wait, can I put my socks on? Mommy must have got my building blocks wrong. Forget job interview, I get the job done. Johnny just comes, wanna go and talk dumb. You stay rushing with Ian, I'm really wheeling. Feeling like my ego's about to grow again. No, my friend, that's not how I'm living though. Still walk to the laundress, still shop at Tesco, still walk street with my hat low. Rap so awkward, people think I'm comedian, reel them in, even though it's not so. Got so many people open at the clothes shop and say I'm only open if you got dough. Remy, Bussa, Lati, Do, Amigo. Got so many people open at the clothes shop and say I'm only open if you got dough. Remy, Bussa, Lati, Do, Amigo. We flow strictly EFO. People wanna fly like R. Kelly, better get your vets ready, cause I paralyze eagles. And when I'm done, I'm singing. Born to do it, not just in Craig David, I'm just saying I'm fluid. Some of the best osmosis on the MIC. One of the first to say I'm from the NIG. I like my concept overdone, overdone. Over lava, eat it down like a kebab. Rub my belly, show my father. Inspector with no whoso. Whosoever this flung like a smelly fish. Never missed the opportunity to Luna. Feeling this? Well, you should have come sooner. Ha, the full effect will leave you deep in the laguna. Baby Boomer Nat, King Cole Crooner, and it don't stop. Una King can't crown me. Better walk very fast round me. Knock it down like Muhammad Ali. Turn love around like Jack Master Farley. But when I'm done, I'm singing. Say. cause I don't mess about with my words or emulate gunplay. Some play vicious, but life is a circle. See you at your kid's funeral someday. In my corner of the world, faces disappear like memories, only to appear on a yellow notice board saying, did you see this or that felony? So I immerse myself in the melody. Could have been a king if I watched the machine, but I got caught in a 70s state. Did the hippie hippie shake and got born to a mean papa? Welcome to my world like an eavesdropper, clean cut the rank stop a tree trunk, nut nutter. I said welcome to my world like an eavesdropper, clean cut the rank stop a tree trunk, nut nutter, where I'm forever singing. Hey, pas mal, pas mal, pas mal. De retour. C'était juste avant, c'était T.I. donc de l'écurie Ninja Tune. Exact. Ninja Tune. T.I. T.Y. Yes. Avec son morceau Haha. Tout bon, tout bon, tout bon, mon petit Arbatax. Mais après avoir fait ton petit agenda Q, il me semble que il faut laisser la place. Eh, dis donc, t'avais pas un petit mea culpa à faire? Moi j'ai entendu ouais, quelques. Exact, exact. Bon, ça, les gens qui l'écouteront sur, sur internet plus tard ou en, en streaming, en, en podcast, ils s'en rendront pas compte. Et effectivement, j'ai ripé. Bon. Et voilà, c'était à force de distribuer des bifles. Donc voilà, c'est l'occasion de leur passer. Faut avouer. Faute à moitié pardonner. À moitié pardonner. Désolé. Bah. C'est vrai, j'ai ripé, j'ai ripé. Allez, sans plus attendre, à ton tour. Ah, c'est l'heure! L'agenda Q! L'agenda culturel! L'agenda culturel! Oh, merci mon petit Arbatax! Qu'est-ce que c'est gentil quand t'es à la technique! Tout se passe pour le mieux! Pas de rip, pas de bifle, rien! Voilà, alors j'attends les questions de Guillemette, si possible. Sans problème. C'est Tortoli et Arbatax. Ah! C'est Radio Panique. Un petit jingle? C'est pour rappeler. C'est 105.4. C'est formidable. Voilà, c'est pour les gens qui... Et les gars qui qu'on fait ce soir juste après. Je l'enchaîne. Juste après, et ben, Arbatax l'a dit, rien. Ok. Et les gars qu'on fait demain? Demain, pareil, rien. Et les gars qu'on fait vendredi? Ah, vendredi. On commence bien le week-end. Oh pardon, je me suis fait couper encore. Oh pardon. Tortoli enfin, en truc and cruc sur son agenda cul. Je t'ai encore coupé mon ami Guillemette. Par contre Guillemette, tu as juste passé de demain à vendredi, ce qui est assez inexact, sachant que après demain, il y a jeudi. Mais bon, ça, de toute façon, je n'avais rien le jeudi, donc je t'aurais répondu rien. Bah alors, qu'est-ce que tu gueules ? On fait vendredi. Vendredi, on se rend, voilà, une fois n'est pas coutume, au Recyclart. Le Recyclard, situé gare de la Chapelle à Bruxelles. Rue des Ursulines. Rue des Ursulines. Donc on sera vendredi 15 octobre et c'est la Soul Motive Label Night. Wouh ! Eh oui mon petit Arbatax. À savoir que dans cette soirée qui vous en coûtera entre 8 et 5 euros avant minuit. Donc si t'arrives après minuit c'est 8. Voilà, dans cette soirée Soul Motive Label Night, il y a Marked and Dog Mask, Coleco, Eleven, Tiger et d'autres DJ dont je ne connais pas les noms. Voilà, ça va succéder de 22h à 5h du mat, ça va être assez fat. C'est pour ceux qui n'en veulent. C'est, comment dire, une sorte de dub trance un peu. Moi je vois très bien. C'est assez aérien, c'est de l'électro... comment dire, ouais, fat, tu vas en prendre pour ton grade, mon petit Arbatax. Très bien. Voilà, ça c'est pour le vendredi, Recyclard vendredi. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait samedi? En mode Saturday Night Fever? Mais grave! Grave d'office! Mais grave, Guillemette! Bah alors là, tu vas en distribuer des bifles. Là, tu seras pas en cruc and cruc. Non. Tu seras à la soirée plastique. Voilà, le premier jour du festival plastique. C'est un festival qui va avoir lieu aux Vieilles Brasseries de Bellevue. Un petit son, merci. Les Vieilles Brasseries Bellevue qui sont situées au quai du Hainaut. Voilà, vous, juste à côté du canal, juste à côté de la porte de Anderlecht, il me semble. Oh, je ne sais plus, enfin probable, bref. Probable, ouais, c'est pas quai du Hainaut, vous allez trouver très facilement. Alors, dans cette soirée, vous retrouverez Breakbot qu'on a écouté il y a deux morceaux. Breakbot avec le titre I'm Baby I'm Yours. Yes. Voilà, donc ce festival qui se déroule samedi 16 et samedi 23, donc c'est sur deux jours, mais deux jours assez espacés. Deux samedis, donc deux Saturday Night Fever. Voilà, c'est des concerts, des lives, des exhibitions, des DJ, VJ sets, des grosses installations d'artistes. Je peux vous assurer que le lieu, il est fat. Là, on est sur une réhabilitation d'usine. Donc, attendez-vous à voir un décor assez apocalyptique et très, très bien réaménagé, forcément. Voilà, ce samedi... Vous pourrez voir, donc, outre Breakbot, il y aura aussi DJ Pawn et Crazy B, deux membres de Birdie Nam Nam. On va pas vous les présenter quand même. Nam Nam, voilà. Qui ne veut pas dire Namur. Non, non, rien à voir. Rien à voir. Et il y aura aussi Débrouille qu'on kiffe bien, qui est issu de Musique Large. Musique Large, un label qui produit notamment Fulgence, DJ Soulist, Souléance, j'en passe, et des meilleurs, des mecs de Normandie. Voilà. Pas dégueu. Même si je n'aime pas trop la Normandie. Voilà. Les petites normes. Ça, c'est le festival plastique. Il vous en coûtera 20€ sur place ou 35 si vous prenez le pass deux jours, à savoir le 16 octobre ou le 23 octobre. Samedi 16, voilà, premier rendez-vous au Brasserie Bellevue. 20€. Big party, big Pourquoi party. Pourquoi ouais. On gueule ? Je ne sais pas. Il n'y a pas lieu. Allez, on ira donc faire un petit tour là-bas. Et puis. Une autre question, Guimette ? Bah ouais. Et les gars, à partir du dimanche et la semaine après, il y a des trucs. Ouais, ouais. Bah, non, moi je serai en cruc and cruc. Voilà, lui il sera en cruc and cruc. Moi je distribuerai quelques bifles tranquillement. Voilà, vous pouvez aller notamment, parce qu'en fait je vous en parle parce qu'hier je suis allé au théâtre. Oui monsieur, je suis allé au théâtre. Invitation oblige, voilà. Tu sais bien Arbatax, quand on est invité dans ces soirées, c'est ça, de faire de la radio, on est invité un peu à droite à gauche, on ne sait refuser, on ne sait rien dire. Alors que des fois on aimerait bien refuser. Hein. Voilà, et là on se regrette. Retrouve. Là je me suis retrouvé à l'atelier 210 à voir la première de Britannicus. Britannicus qui est une pièce de théâtre de Jean Racine à la base. Et voilà, c'est l'atelier 210, c'est du 12 au 30 octobre. Objectivement, ça m'a plu, mais sans plus. Mais un peu comme... je sais pas, comme des Kinder Bueno. Parce que tu vois, tu aimes bien le début, mais t'aimes pas trop la fin. Voilà, c'est un peu la même. Atelier 210, donc c'était Britannicus, une pièce de théâtre, mais je n'en dirai pas plus, étant donné que ça m'a moyennement émoustillé. Voilà. Mais ça, ça reste très subjectif hein, de ma part. Si j'étais journaliste de théâtre, je dirais que cette pièce est extrêmement bien montée, la mise en scène est originale. On a tous pris une bifle dans la salle. Voilà, les acteurs sont, le jeu d'acteur est formidable. Et voilà. Merci Tortoli. Ben, merci à toi. Le public, merci. On repasse, merci, on repasse à la musique. Qu'est-ce que tu nous as prévu? Eh ben un petit DJ Pawn avec Drixé, il me semble. Tant qu'à faire. Ouais, DJ Pawn qui sera là au Festival Plastique. Ça va, ça va. Ça va, pas la peine de gueuler. Allez. Juste après. Suivi par TTC. We'll be right back. cette immense attente car ces 10 ans d'attente se terminent au printemps. Aujourd'hui j'ai 20 ans, je ne suis plus un enfant profitant de la vie comme jamais auparavant. J'ai quitté ma cabane pour une belle caravane, confectionner une flûte avec ma sarbacane. Mes soucis disparaissent, la croissance est libre. Je domine ma coquille, supplément de ces tigresses. Dans ma tête, un air de saxophone, un vieux jazzman. Une belle émeraude dans son regard clair. Un ciel découvert, une fiche d'école. Une peine, un cimetière et je creuse mon terre. Que choisir ou attendre, mais pourquoi je respire? Pour gravir, écraser tous les autres. Pour bâtir des immeubles et prouver que je suis bon. Pour un échange de plaisir, un week-end. Une vie en tandem. Une vie en tandem. Une vie en tandem. Une vie en tandem. De la porcelaine, laissez dire une veine, mais je préfère les regarder dorer sous le soleil. Fermant les yeux, j'écoute le casque à fond des décibels. Cette musique rétroactive, je fais les plus beaux rêves. Est-ce une drogue et je rêve, je saigne, je crève, je l'aime. Quand je ferme les yeux, mes oreilles sont des paraboles intentionnées, son visage dessiné, animé par l'envie d'extérioriser. Elle se réchauffe contre moi, c'est une cheminée. Décompression totale dans maison de campagne, piscine, plongeoir, tennis, peignoir. Tu sais, pensif et si loin, j'admets, aimer, tout semble trop court, j'ai peur de tout perdre, quand elle pleure de bonheur. La lune de miel plus d'une semaine t'assure et que la lumière s'allume car l'amour pour un vrai des hommes chaque jour. Entends-tu le chant des hommes qui courent après l'amour? En dansant dans un club comme d'habitude, j'ai aperçu à travers le fumigène Tortoni et Arbata. Nos yeux se sont rencontrés seulement un instant. Mais depuis, je suis tout feu, tout flamme. To sacrifice your life. Bitch, I'm a monster, no good blood sucker. Fat motherfucker, now look who's in trouble. As you run through my jungles, all you hear is rumbles. Kanye West samples, here's one for example. Gossip, gossip, nigga, just stop it. Everybody know I'm a motherfucking monster. I'ma need to see your fucking hands at the concert. I'ma need to see your fucking hands at the concert. Profit, profit, nigga, I get it. Everybody know I'm a motherfucking monster. I'ma need to see your fucking hands at the concert. I'ma need to see your fucking hands. The best living or dead, hands down, huh? Let's talk more here right now, huh? And my eyes more red than the devil is. And I'm about to take it to another level, bitch. Don't know who you going with, yeah. Ain't nobody cold as this. Do the rap and a track, triple double, no assist. And my only focus is staying on some bogus shit. Arguing with my older bitch, acting like I owe a shit. I heard the beat, the same raps that get a track pain. Bought the chain that always give me back pain. Fucking up my money, so yeah, I had to act sane. Shy nigga, but these hoes love my accent. She came up to me and said, this the number two dial. If you wanna make it number one, you're number two now. Miss that goose in Malibu, I call it Malibu, yeah. Goddamn, easy, I would hit him with a new style. Know that motherfucker well, what you gon' do now? Whatever I wanna do, gosh, it's cool now. Now I'm gonna do Rasa Nuna. motherfucker really, really need to cool out. Cause you'll never get on top of this. So mommy, best advice is just to get on top of this. Have you ever had sex with a pharaoh? I put the pussy in a sarcophagus. Now she claiming that I bruise her esophagus. Head of the class and she just want a scholarship. I'm living in the future, so the present is my past. My presence is a present, kiss my ass. Gossip, gossip, nigga, just stop it. Everybody knows I'm a motherfucking monster. I'ma need to see your fucking hands at the concert. I'ma need to see your fucking hands at the concert. Profit, profit, nigga, I got it. Everybody know I'm a motherfucking monster. I'ma need to see your fucking hands at the concert. I'ma need to see your fucking hands. Sasquatch, Godzilla, King Kong, Loch Ness, Goblin, Ghoul, a zombie with no conscience. Question, what do these things all have in common? Everybody knows I'm a motherfucking monster. Conquer, stomp you, stop your silly nonsense. Nonsense, none of you niggas know where the smart is. None of you niggas have seen the carnage that I've seen. I still hear things scream in my dreams. Murder, murder in black convertibles. I kill a block, I murder the avenues. I rape and pillage your village, women and children. Everybody wanna know what my Achilles heel. Oh, comment il nous a cuté ça! Yes, yes, vous écoutez Tortelière Batax, on est un peu pressé par le temps. Et voilà, le temps nous presse, on est pressé par le temps. L'un 18h approche. C'est tous les mardis, 17h, 18h, sachez-le, maintenant on a changé d'horaire. On n'est plus le mercredi, on est le mardi, 17h, 18h. T'as compris? T'as compris ou quoi? Bon, là on s'est écouté Kanye West, un nouveau morceau qui s'appelle Monster. Ouais, issu d'un futur film qui va sortir, ou plutôt il est en instance de sortie, le film de Kanye West. Il est déjà sorti aux États-Unis, il a été présenté à Paris, il va être présenté à Sydney, à Londres bientôt. Le film s'appelle Runaway, yes. Les ailes du délire. Et c'est une sorte de love story un peu rococo entre Kanye West et une femme oiseau. Ah bah normal. Qui va découvrir un peu le bien et le mal de la vie humaine en général. The good, une sorte de, the bad. Une sorte de Angela avec Jamel de Besson quoi. Ah bah, une femme qui vient d'ailleurs et qui va un peu prendre des bifs quoi. Belle comparaison. Très bien, donc voilà, ouais. Et le morceau s'appelle Monster featuring Jay-Z, Rick Ross, Nicki Minaj et Ben Iver. Un folk. Et voilà. La meuf qu'on entend derrière, c'est Minaj, ouais, il me semble. Ouais, Minaj, ouais, qui a aussi sorti un album qui est très. Qui est un peu dans le milieu maintenant, quoi, son premier album. Qui est un peu au milieu de nous deux, ouais, voilà, qui va risquer de sortir de notre playlist, un de ces quatre. Et voilà, ce morceau dure 6 minutes 30, on n'a pas pu le passer entièrement, n'hésitez pas à aller écouter ça, Monster Kanye West. Voilà, on va mettre le lien sur notre page Tortelière Batax sur Radio Panique, mais aussi sur Facebook, sur ces deux pages et aussi sur notre mail tortoli@gmail.com. On vous incite à voter pour l'expression de la semaine, à savoir voter pour Cruc and Cruc, nom de Dieu. Ça c'est l'expression défendue par notre ami Arbatax, et moi je vous propose l'expression bifle, je vous mets des bifles. Et voilà, toi, je te mets une petite bifle. Ça, voilà. ça ne gagnera jamais. Mais ça, à mon avis. Le cruc and cruc parle trop aux gens. Je veux dire, c'est le mot qui manquait à leur champ lexical. Voilà, parce qu'on est dans le champ lexical de la déprime. C'est un peu ça. Il n'y avait rien pour expliquer. Si vous avez un peu. Cruc and cruc, ça arrive en l'esprit festif, l'envie de rigoler. Voilà, je pense que bifle vous convient tout à fait. Allez, votez pour une de ces deux expressions. On va se quitter avec le classique. Exact, c'est déjà la fin de cette émission. Et voilà, mon petit Arbatax, c'était comme d'habitude. Bon, je cherche un adjectif, mais je faisais. Mais ton dessin, enfin ton mime, était mauvais. M'en dit bien plus. Voilà. On va se quitter avec Mungo Jerry, In the Summertime, un gros classique des années 70, des années 70, pardon. Ouh, le tacle. Oh là, je te mets une bifle. Désolé. Là, je te mets une grosse bifle. Oh là là là. Oh, je suis en cruc and cruc, fin d'émission. On va se quitter avec Mungo Jerry, In the Summertime, pour fêter cette belle journée qu'on a eue. In the Summertime. Yes, ça va nous rappeler nos années 70 quand on allait dans le bal. A bientôt, rendez-vous la semaine prochaine, 17h-18h. Tortoli et Arbatax. Merci Tortoli. Ciao, merci, ciao les auditeurs. You can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane,